بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا درسنا 48 في كتاب العلامة الشيخ النجمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. سي نوتخ 48 كور فريغون الله عز وجل دون ليتود دو سو ليفغ دو الشيخ النجمي رحمه الله تعالى. يقول رحمة الله عليه: الملاحظات نعدها باختصار لأن الكلام فيها قد تقدم، أما ما لم يذكر من الملاحظات أي ما تجدد فسأذكره مع التوضيح. Et nous sommes arrivés à ce passage qui concerne les critiques que va émettre Cheikh Najmi رحمه الله تعالى sur Jama'at Tabligh et sur les fondateurs de Jama'at Tabligh. Il dit quant aux critiques, je vais les citer avec résumé, car on a déjà parlé sur ces erreurs et les critiques qui sont nouvelles, il va détailler dessus, il va s'étaler un peu dessus. Quant à ceux qui sont déjà passés, il va passer comme ça, juste comme ça, et celles qui sont nouvelles, ben il va détailler un peu plus. يقول رحمه الله تعالى: الملاحظة الأولى أن مؤسس جماعة التبليغ نشأ على الصوفية وأخذ فيها بيعتين وعاش عليها إلى أن مات، لذلك فهو صوفي عريق في الصوفية. Il dit حفظه الله تعالى: La première remarque, c'est que le fondateur de جماعة التبليغ, c'est un صوفي. Et il a donné deux fois l'allégeance. Et il a vécu dans le صوفisme et il est mort dans le صوفisme. C'est pour ça que c'est un صوفي qui a baigné dans le صوفisme. والملاحظة الثانية أنه كان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الروحية من أصحابها. La deuxième critique, c'est que il allait faire des retraites spirituelles à côté des tombes et il attendait les jaillissements spirituels des gens de la tombe. Et il attendait les jaillissements spirituels des gens de la tombe et que les gens de la tombe lui dévoilent des situations et qu'ils lui dévoilent des choses sur l'invisible ou sur les gens. كذلك الملاحظة الثالثة أنه كان يرابط في المراقبة الجشتية عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي كان يؤمن بفكرة وحدة الوجود. La troisième critique, c'est que le fondateur de Jama'at Tabligh, il faisait des retraites, et ce qu'ils appellent المراقبة الجشتية, l'observation justice. Et ceci se fait à côté d'une tombe. Quant au fondateur de Jama'at Tabligh, le Muraqab al-Jushtiya Hadi, il la faisait à côté de la tombe de Abd al-Qaddouz al-Kankouhi, qui croyait en l'idée de l'unicité d'existence. Al-Mulahadat al-Rabi'a. Al-Muraqab al-Jushtiya Nijlisa عند القبر نصف ساعة من كل أسبوع بتغطية الرأس والذكر بهذه العبارة: الله حاضري الله ناظري. وهذا العمل إن كان لله فهو بدعة، وإن كان الخضوع لصاحب القبر فهو شرك بالله، والأخير هو الظاهر، لأنه لو كان هذا الخضوع لله لعمله في المسجد ولم يجلس عند القبر. فلما جلس عند القبر بهذا الخضوع كان ذلك دليلا على أنه قصد بهذا الخضوع صاحب القبر. La quatrième observation, dit Cheikh Rahimahullah Ta'ala, l'observation justice, c'est le fait de s'asseoir une demi-heure par semaine, une demi-heure chaque semaine, à côté d'une tombe, et c'est de couvrir la tête et de faire ce dhikr avec cette invocation, avec cette expression. Allah m'est présent, Allah me voit. Et cet acte, dit Cheikh Rahmatullah Alayh, si il le faisait pour Allah Azzawajal à côté de la tombe, c'est une innovation. Et si sa soumission, c'est pour celui qui est dans la tombe, c'est de l'associationnisme. Et il dit, ce dernier, c'est le plus apparent, parce que si c'était pour Allah, il l'aurait fait à la mosquée. Il ne serait pas assis, il ne serait pas fait cette retraite à côté de la tombe. Mais puisqu'il est venu s'asseoir et le faire avec cette dévotion à côté de la tombe, cela prouve qu'il le fait pour celui qui est dans la tombe. كذلك الملاحظة الخامسة أن مؤسس هذه الجماعة وأتباعه في السلوك صوفية يعملون على أربع طرق هي الجشتية والنقشبندية والسهروردية والقادرية. La cinquième critique, c'est que le fondateur de ce groupe et les piliers de ce groupe et ceux qui les suivent parmi ceux qui ont passé plusieurs années dans Jama'at Tabligh sont dans le comportement soufi. Ils ont des voies soufi et ils suivent quatre voies soufi, qui est le Jushtiya, le Naqshbandiya, le Sahrawardiya ou le Qadiriya. Et il dit sur ce moment le Cheikh Mohammed bin Hadi al-Madkhali, il dit Khalil Ahmed Saharan Fouri et il est un kibar al-Tabligiyin al-Diyubandiyin كما تقدم في كتابه المهند على المفند في صفحة 30. وهذا الكتاب ألفه خليل لبيان معتقدات علماء ديوبند للرد على الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودعوته، وعلماء ديوبند هم التبليغيون. قال ليعلم أولا قبل أن نشرع في الجواب أنا بحمد الله ومشايخنا رضوان الله عليهم أجمعين وجميع طائفتنا وجماعتنا مقلدون لقدوة الأنام وذروة الإسلام الإمام الهمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه. وهذا غلو في الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولا نظن أن الإمام أبي حنيفة يرضى بهذا الغلو. قول وذروة الإسلام الإمام الهمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه في الفروع، ومتبعون للإمام الهمام أبي الحسن الأشعري والإمام الهمام أبي منصور الماتوريدي رضي الله عنهما في الاعتقاد والأصول، ومنتسبون من طرق الصوفية إلى الطريقة العلية المنسوبة إلى السادة النقشبندية، والطريقة الزكية المنسوبة إلى السادة الجشتية، وإلى الطريقة البهية المنسوبة إلى السادة القادرية، وإلى الطريقة المنسوبة إلى السادة السهروردية رضي الله عنهم أجمعين. فاسمع أخ الإسلام حتى لا تقول أن الناس وأن علماء الأمة يكذبون على أولاد. Écoute frère en Allah Azza wa Jal, pour que tu dises pas que les hommes de science montent sur ce groupe. Écoute Khalil Ahmed Saharan Fouri, et c'est l'un des grands jama'at tabligh de l'école de Dioband. Il a écrit dans son livre Al-Muhannad ala Al-Mufannad, page 30. Et ce livre, Khalil l'a écrit pour montrer le dogme des croyances des savants de Dioband, qui sont les grands tablighis, et pour répliquer à l'imam Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah, et pour refuter la da'wa et critiquer la da'wa de Mohammed bin Abdul Wahhab. Et les savants de Dioband, ce sont tablighiyoun. Et il a dit, avant de commencer à répondre à cette question, chassez que nous, et la louange est à Allah, ainsi que nos grands mashayikh, hein, et tout notre groupe et notre jama'a, nous imitons hein, l'exemple de l'humanité, les Qudwat al-Anam, et la bosse de l'islam. l'imam, le humam, Abi Hanifa al-Nu'man. Et ceci, c'est une exagération sur l'imam Abi Hanifa, rahmatullahi alayh. Et on ne croit pas que l'imam Abi Hanifa aurait apprécié cette exagération dans l'éloge, comme il le fait ce tabligh. Et il dit, nous imitons ce grand imam dans les détails, c'est-à-dire dans le furu', dans ce qui concerne la jurisprudence. Et nous suivons l'imam, le humam, Abi al-Hasan al-Ash'ari, et l'imam, le humam, Abi Mansour al-Matiloudi, en ce qui concerne les croyances et les fondements. Tu vois, ils sont Ash'ari, donc, les Ash'ari reconnaissent quoi? Cette sifat, ils sont Matiloudi aussi, et les Matiloudi, certains parmi eux sont Ash'ari, d'autres sont Matiloudi, et les Matiloudi, ils ont rajouté une huitième sifat. De là que tu comprends que cette alliance qu'ils ont avec l'Ahbash. Hein? Parce que ils sont sur la même voie dans les fondements. Et il y a le fait aussi qu'ils ont des voies soufis des deux côtés. Et il dit, et nous appartenons aux voies soufis à cette noble tariqa qui est attribuée au noble Dien Naqshbandiya. Et à la pure tariqa qui est attribuée à Al-Jushtiya, au noble Sadat Dien Al-Jushtiya. Et à la tariqa claire qui est attribuée au noble d'Yel Qadiriya. Et à la voix attribuée au noble d'Yel Sahrawardiya. Hada frérun Allah Azza wa Jal, c'est leurs savants qui reconnaissent ça dans leurs livres. Et après, qu'on vient pas de dire, il y a des mensonges. C'est eux-mêmes qui le reconnaissent, c'est eux-mêmes qui l'écrivent. فأنت سمعت قال عن أبي حنيفة رحمه الله ولا يضل عاقل أن أبي حنيفة يرضى ما قال عنه أنه ذروة الإسلام. وما هي ذروة الإسلام؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هي الجهاد في سبيل الله. فهذا غلو في أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أنت سمعت من كلامهم أنهم في الفقه متعصبة مقلدون. وقلت لك من قبل أن ديوبند هذه المدرسة كما يقول مشايخهم مشايخ ديوبند أسست لنشر المذهب الحنفي عبر العالم. Donc, t'as entendu frère en Allah Azza wa Jal, comment il a désigné Abi Hanifa? Regarde cette exagération dans ce qu'il a attribué à Abi Hanifa et dans la description d'Abi Hanifa. Il a dit c'est le sommet de l'islam, alors qu'on sait que la base de l'islam et le sommet de l'islam c'est le combat sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Et aucun personne qui est douée de raison va croire qu'Abu Hanifa aurait accepté d'eux qu'ils le décrivent ainsi. Alors qu'Abu Hanifa orientait les gens à suivre la sunna dans ses paroles. Et tu as entendu de leurs paroles, de leurs savants qu'ils sont sectaires et qu'ils imitent, hein, le madhhab al-Hanafi. Et je t'ai dit auparavant que Dioband, cette école, leur mashayikh ont dit que Dioband a été fondé pour propager le noble madhhab d'Abi Hanifa, le noble madhhab hanafite à travers le monde. والهنادكه اخ الاسلام اشد الناس تعصبا في الفروع يوالون عليه على المذهب الحنفي ويعادون وربما يضربون واحيانا يقتلون لانه إدارة اوكى تضع يدك على صدرك او تحرك اصبعك في التشهد او تقول امين اتهموك بالوهابيه هكذا على طول. الهنادكه لزان دو فريرون الله عز وجل. Tous cette partie-là, le Bangladesh, hein, les Bengalais, les Hindous, les Pakos, ainsi que hein, les Afghans, etc., sont très sectaires à le Madhhab al-Hanafi. Ils s'allient pour le Madhhab al-Hanafi, ils disent à vous pour le Madhhab al-Hanafi. Et peut-être des fois, ils vont même plus loin, ils frappent. Peut-être qu'ils vont même tuer la personne s'ils le voient mettre la main droite sur la gauche sur sa poitrine. Et s'ils le voient bouger le doigt pendant le tashahoud. Et s'ils l'entendent dire Amin, ils vont l'accuser d'être wahhabi. Ainsi, tout de suite. Ils le voient agir ainsi. S'il ne le frappe pas, ils l'accusent directement d'être wahhabite. وفي العقيدة سمعت أخ الإسلام أنهم من المتكلمة المبتدعة إما أشاعرة وإما ماتريدية وفي العبادة والسلوك كما سمعت صوفية طرقية إذن من أين تأتيهم السنة؟ من أين تأتيهم السلفية؟ فهذا أصلهم ولا يتنازلون عنه أبدا فاعرفوا هذا بارك الله فيكم. Et tu as entendu, frère, en Allah Azza wa Jal, que dans les croyances, comme tu as entendu, ils sont des innovateurs dans les croyances. Ils sont asha'ira, ils font partie de l'école de la spéculation, hein, ils sont asha'ira, ou ils sont maturidites. Et dans les adorations, et dans le comportement, ils sont, et dans la voix, ils sont soufis. Ils ont quatre voix soufis. Donc d'où va leur venir la sunna? D'où va leur venir la voix du plusieur d'Allah alayhim? Et ça, ce sont leurs bases. Ils vont pas laisser leurs bases. Il faut savoir ceci. Il ne me dit pas qu'ici on connaît pas ça, mais l'essentiel, ce qu'il faut que tu saches, la base elle est comme ça. Et quand on te fera confiance, et quand il sera digne de leur mouvement, à ce moment-là tu vas arriver à connaître les secrets, et à ce moment-là tu feras l'allégeance, et à ce moment-là tu sauras toutes ces choses-là, mais pas avant. Tant que tu n'es pas devenu une serpillière dans leurs mains, entre leurs mains, ben tu n'arriveras pas à cette réalité. Tu n'arriveras pas à faire l'allégeance sur les quatre voies soufis, ni à savoir l'aqida réellement, etc., ni à connaître l'adhkar et les invocations comme ils le font les anciens d'El Tabligh. Wa yaqul al-Sheikh Muhammad bin Hadi al-Madkhali, wa qad i'tarafa amiruhum alladhi halaka mundu akthar min 10 sanawat taqriban in'am al-Hasan وكتب ذلك بخط يده أنهم يأخذون البيع على الطرائق الأربع المذكورة ونشر اعترافه هذا في الوثائق التي بآخر كتاب وقفات مع جماعة التبليغ لنزار الجربوع فانظره إن أردت غير مأمور. Et محمد بن هادي المدخلي داتيغي نوت خاطر سندي et leur ancien leur dernier émir qui est Naam al-Hassan, parce que maintenant ils ont plus d'émir, ils ont un conseil dire Shura tout simplement. Leur dernier émir, qui est Naam al-Hassan, qui est mort il y a à peu près 10 ans maintenant, a écrit avec sa main, sa propre main, comme quoi, et il a reconnu, il l'a écrit avec sa propre main, comme quoi il faisait l'allégeance sur quatre voies soufis. Les voies qui ont été citées, qui sont le Jushtiya, le Naqshbandiya, le Sahrawardiya, le Qadiriya. Et cette reconnaissance, cet aveu de cette déclaration, plutôt, de Naam al-Hassan, il fait partie, hein, des papiers que tu trouveras à la fin du livre, Waqafat ma'a jama'at tabligh, qui a été écrit par Nizar al-Jarbou', qui était avec eux aussi. Enfin, si tu veux, tu peux, hein, t'acquérir cette petite risala, elle est petite. Et à la fin, tu te retrouveras avec ces déclarations de Naam al-Hassan. Wa yaqulu الشيخ محمد بن هادي المدخلي ولمعرفة هذه الطرائق وضلالها انظر كتاب الماتوريدية لصاحب شمس الدين الأفغاني السلفي وهو أطروحة نال بهذه درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية من قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين. الشيخ محمد بن هادي المدخلي dit si tu veux connaître ses voies et l'égarement de ses groupes et de ses voies, regarde le livre qui a été écrit, qui est intitulé Al-Maturidiya, celui qui l'a écrit chez Samshuddin, l'Afghani, le Salafi. Et il a soutenu avec son magistère à l'Université islamique de Médine, dans la section d'Yal Aqida et de la faculté d'Yal Dawa et le fondement de la religion. Lakin, ma'al asaf, hadi risala, ma'al asaf, قام عليها الماتوريدية هناك في الباكستان وأفغانستان مما اضطر رئيس الجامعة السابق في السعودية أن يسحب الرسالة ففرح بهذا أهل البدع هناك لأن شمس الدين الأفغاني لما كتب الرسالة أضاف عليها مقدمة من عنده وهذه المقدمة غير موجودة في أصل الرسالة فكان ينبغي على رئيس الجامعة كما يقول الشيخ أبو مالك الجهني هداه الله أن يقول نحن الرسالة أجزناها للمؤلف وهي حق والمقدمة لسنا فيها في شيء لكن مع الأسف سحب الرسالة كلها وهذا صار انتصارا لأهل البدع. ويقول أبو مالك أنه حدثه طالب علم أفغاني بأن الديوبنديين والماتوريدية فرحوا فرحا عظيما بهذا القرار الذي اتخذه رئيس الجامعة السابق. Malheureusement, cette lettre de magistère, les maturidis ainsi ont fait la guerre à ce livre. que ce soit au Pakistan ou en Afghanistan, ce qui a amené, ce qui a fait obliger l'ancien président de l'université islamique en Arabie Saoudite de le retirer. Et les innovateurs ont été contents de cette décision du président de la faculté islamique de Médine. Car Shams al-Din Afghani, quand il a fait sa risala, il a soutenu, au moment de l'éditer, il a rajouté une introduction qui n'est pas à l'origine. Et donc, Cheikh Abu Malik, il dit, dans ces cas-là, le président de l'université islamique à Médine n'avait pas retiré toute la risala, mais il avait tout simplement à dire que nous avons autorisé cette risala, que cette risala a eu une bonne mention, et celui qui l'a écrit, il a écrit quelque chose qui est véridique, mais l'introduction, nous on ne le sait pas, on sait rien de ce qui est arrivé après de cette introduction. Mais malheureusement, la décision du président de l'université islamique, c'était de retirer la risala. Et ça a été un combat qui a été gagné par les innovateurs. Et Abu Malik, de nous dire que l'un des élèves afghans lui a dit que là-bas, les Diobandines et les Matalouidites ont été très contents, réjouis de cette décision de l'ancien président de l'université islamique. فهكذا إخوة الإسلام هم يحاربون من يبين أخطاءهم. كيف regardez comment ils ont soulevé terre et ciel jusqu'à ce que le président de l'université retire cette risala et cette risala du magistère. Alors que cette risala a eu une bonne mention. Ainsi ils font la guerre à ceux qui divulguent leurs erreurs. ويقول الشيخ النجمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والملاحظة السادسة أن جلوس مؤسس هذه الجماعة عند قبر من يؤمن بوحدة الوجود يدل على أنه يؤمن بها، ولو لم يكن يؤمن بها ما جلس عند قبر من يؤمن بها على تلك الهيئة وذلك الخضوع، عفانا الله مما ابتلاهم. Et la sixième critique, nous dit Cheikh Najmi رحمه الله تعالى, le fait que le fondateur de ce groupe s'assoie à côté de la tombe de ceux qui croient en l'unicité de l'existence prouve que lui-même il croit en l'unicité de l'existence. Parce que s'il y croyait pas, il serait pas allé s'asseoir et se recueillir à côté de la tombe et auprès de la tombe de ceux qui y croient ont une dévotion. Et cher de nous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des choses avec lesquelles il les a éprouvées. الملاحظة السابعة أن مؤسس هذه الجماعة صوفي قبوري خرافي. Et la septième critique du Cheikh رحمه الله تعالى, le fondateur de ce groupe est un صوفي قبوري et qui vit sur les histoires à dormir debout. الملاحظة الثامنة أن مسجدهم الذي انطلقت منه دعوتهم في أربعة قبور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك والحديث في الصحيحين. La huitième critique, c'est que leur mosquée et leur centre duquel est parti leur da'wa, il y a quatre tombes dedans. Leur mosquée duquel, qui est leur plus grand centre, le centre mondial d'El Tablir, il y a quatre tombes dedans. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, les pires des gens, ce sont ceux qui prennent des mosquées sur les tombes. Ne prenez pas vos mosquées sur les tombes. Je vous interdis ceci. Il hadith, il est dans les authentiques. Et plus d'un d'hommes de science qui ont visité l'Inde ont vu les tombes. Cheikh Rabi' les a vus. Hafidhahullah ta'ala. Et d'autres demandeurs de science ont vu ces tombes. Et même les jeunes qui se sont repentis maintenant, parmi nos frères qui sont maintenant à Médine, les frères de Metz, et d'ailleurs, ont reconnu, et ils ont vu le tombe, et ils disent que c'est vrai, il y a les tombes dans la mosquée, dans le centre de d'El Tablir, dans le centre mondial. المُلاحظة التاسعة أن مؤسس هذه الجماعة يؤمن بالكشف كما ظهر من قوله في تفسير آية كنتب خير أمة أخرجت للناس أنه فسرها بالكشف الصوفي ولا يجوز أن يفسر القرآن بالكشف الصوفي. La neuvième critique, c'est que le fondateur de ce groupe croit en le dévoilement secret. C'est-à-dire, croit en le fait qu'on peut regarder dans le cœur d'une personne. On peut savoir des choses qui sont cachées. Et comme il l'a dit dans le tafsir qu'il a fait, l'interprétation qu'il a fait du verset, vous êtes la meilleure des communautés qui est sortie aux gens, il l'a interprété avec une interprétation sophie, une interprétation qui est basée sur le dévoilement sophie. Il a dit que il m'a été dit, il a été jeté dans mon cœur. L'interprétation, c'est qu'il faut sortir fi sabilillah. الملاحظة العاشرة أن التبليغيين يتعبدون بالذكر المبتدع على طريقة الصوفية وهو تفريق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. Et la dixième critique, c'est que les tabligiens adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec des invocations qui sont innovées et selon la voie des soufis, qui est le fait de séparer la négation dans la ilaha illallah de l'affirmation. Et ceci, frère en Allah, Azzawajal, c'est toi, en tant que novice dont la jama'a tu ne le connais pas, il faut que tu deviennes une serpillère qui t'y fait l'allégeance pour arriver à ce degré-là. Le moulahadatul hadi achar, anna man qata'a an-nafi 'an al-ithbati 'amdan bi an yaqula la ilaha, lazimahu 'ala dhalika al-kufr, wa anna man qala la ilaha 500 marra, faqad kafara 500 marra, kama qarrara laka shaykhu Hamoud Twijri naqlan 'an al-'ulama. La onzième critique du Cheikh Najmi rahimahullah ta'ala, que celui qui sépare la négation de l'affirmation, quand il dit la ilaha illallah 500 fois, cela implique qu'il est tombé dans la mécréance 500 fois. Comme te l'a confirmé Cheikh son éminence Twijri rahimahullah ta'ala, comme il le rapporte des hommes de science. الملاحظة الثانية عشر أن الذكر بهذه الصفة التي عليها الصوفيون بدعة وضلالة لا يجوز التعبد به فمن يقول لا إله 500 مرة ثم يقول إلا الله 400 مرة فإنه مبتدع ضال بل كافر لأنه فصل النفي عن الإثبات ومن فعل ذلك عمدا كفر وإن كان جاهلا لم يعذر بالجهل. Et Cheikh Najmi de nous dire, la douzième critique, que cette façon de faire dhikr, sur laquelle sont Sophia, c'est une innovation et c'est un égarement, et il n'est pas permis de dire, la ilaha 500 fois. Et après, une fois qu'on a terminé les 500 fois la ilaha, on ramène l'Allah 400 fois. Ceci est une innovation, est un égarement, c'est une mécréance. Le fait de séparer l'affirmation dont la ilaha illallah et la négation, c'est une mécréance. Si la personne le fait exprès, et il sait, c'est de la mécréance. Et s'il est ignorant, il n'est pas excusé avec son ignorance. Ça, c'est la douzième critique de Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala. الملاحظة الثالثة عشر أنهم وبعضهم يجعلون وردهم حرز الجوشن وفيه بدع وشركيات كثيرة. La treizième critique, frère en Allah, Azzawajal, c'est qu'ils font que leur wird, c'est-à-dire les invocations du matin et du soir, les hizb que nous devons faire, selon la sunna le matin et le soir, ils le font directement du talisman al-Jawshan. Et dans ce livre al-Jawshan, il y a des innovations et de l'associationnisme, beaucoup d'innovations et beaucoup d'associationnisme. الملاحظة الرابعة عشر أنهم يجيزون حمل الحروز التي فيها طلاسم وأسماء مجهولة لعلها أسماء الشياطين وهذا لا يجوز. ومر معنا ما قرأناه في كتاب الشيخ تويجري الحرز الذي علق إنعام الحسن والحرز الذي علق عمر برامبولي وهم من كبارهم. Donc, frère en Allah, Azzawajal, la quatorzième critique, c'est qu'ils autorisent le fait d'avoir des talismans sur soi. Et ces talismans, des fois, il y a des noms de choses qu'on ignore, ou peut-être que ce sont des noms d'Al-Shayatin, et ceci n'est pas permis de porter un talisman ou un gris-gris. Et il est passé avec nous, nous l'avons lu dans le livre d'Yal Twijri, rahimahullah ta'ala, l'histoire d'In'am al-Hassan, qui s'est fait guérir par un charlatan et qui lui a écrit un talisman sur du cuivre. La même histoire est arrivée avec Omar Parampouli. Al-Mulahadatul Khamisatu Ashar. Et ceux-là, ce sont les têtes. Si les têtes agissent ainsi, qu'est-ce qu'il en est de la base? الملاحظة الخامسة عشر أنهم يعتقدون أن حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحياة الأولياء حياة دنيوية ليست حياة برزخية. La quinzième critique, c'est qu'il croit que la vie du prophète عليه الصلاة والسلام et la vie des vertueux et des impieux, c'est une vie comme on vit nous. Et ce n'est pas une vie dans le berzakh. Le berzakh, c'est ce monde intermédiaire entre le bas monde, dunya et la résurrection. Et eux, ils croient que le prophète, alayhi salam, les prophètes, alayhi salam, et notre prophète particulièrement, et les vertueux, ben, ils vivent une vie comme nous, nous vivons. Et ça, frère Allah, Azzawajal, ne dis pas qu'en Europe, tu n'entends pas parler ça. C'est normal, toi, tu vas pas entendre parler ça. Mais ça, c'est chez leurs grands. Il faut arriver aux hauteurs de la pyramide. Il faut arriver auteur de la pyramide, frère Allah Azza wa Jal. وهذا الاعتقاد لا شك انه يؤدي بهم الى شرك عظيم اعتقاد ان النبي حي كحياتنا الان كذلك الاولياء والصالحين وهذا يدعوهم الى الاستغاثه به والى دعائه واعتقاد انه يخرج من قبره ويحضر مجالسهم كما يظن الياسينيين كذلك. الياسينيون في المغرب يظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره ويحضر مجالسهم وأن الصحابة كذلك يفعلون كذلك والديوبانديون يعتقدون أنه يسوي حسابة المدرسة كل خميس جعلوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كونطبل عندهم محاسب وفيه من يروج أنه رآه في المنام يوزع على المشايخ ستومبولا وهذا مخدر يمدغه الهدادك وحتى مشايخهم فانظر أنت كيف يبررون لمشايخهم استعمال هذا المخدر وأنا رأيت شيخهم حافظ بطل في أوروبا يثفل هذا قبل الوضوء في لقاء له في مسجد ميلوز قبل ذهابه إلى إيطاليا. هذا منذ 11 سنة أو 12 سنة. Et cette croyance qu'ils ont, il n'y a aucun doute que cette croyance, le fait de croire que le prophète est vivant dans sa tombe, qu'il vit une même vie que nous, et que les vertueux vivent la même vie que nous, ceci va les amener à l'associationnisme. Parce qu'ils vont lui demander secours. Ils vont demander secours aux tombes. Et ils croient que, ils vont croire que le prophète sort de sa tombe. Ils viennent dans leurs assises. Et ceci, c'est la croyance qu'ils ont, les Yassinites du Maroc. Ils croient que le prophète, alayhi salatu wassalam, vient dans leurs assises et dans le conseil. Et dans leur conseil. Ils croient aussi qu'Abu Bakr Siddiq vient dans leur tombe, ainsi qu'Omar ibn al-Khattab. Et les Diobandites, ceux de l'école de Dioband, croient que, disent, que le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui tient les comptes de leur école de Dioband. Chaque jeudi, ils viennent faire les comptes. Ils ont fait du prophète, alayhi salatu wassalam, leur comptable, ikhwat al-islam. Il est parmi eux qui propage comme quoi il a vu le prophète, alayhi salatu wassalam, distribuer le kat, la stampoulade, qui est une drogue, que le hanadika mâche dans leur bouche. Même leur mashaïr, ils mâchent ça dans leur bouche. Hein? Regardez comment ils autorisent, ils cherchent des solutions à leur mashaïr qui mâchent de la drogue. Hein, ils leur cherchent des solutions. Ils disent que le prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont vu le prophète, alayhi salatu wassalam, a'oudou billah. Ils ont vu le prophète, alayhi salatu wassalam, hein, leur distribuer et passer avec un plateau pour donner à leur mashaïr stampoula. Et ça, c'est une drogue. Et moi, j'ai vu le rimir d'Angleterre, Hafid Patel, hein, il y a plus de 11 ans maintenant, avant le dos, dans la mosquée de Mulhouse, hein, de cracher cette drogue et qui rend la bouche toute rouge, et c'est une drogue, de la cracher avant de faire l'odo. Et ceci avant qu'il parte à sa réunion, hein, en Italie. فهذه اعتقاداتهم اخ الاسلام. يعتقدون ان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معهم ويحضر مواليدهم. وكما قلت لك من قبل عن ذلك القديم من الاحباب كما يسمونهم. ذلك القديم الجزائري من مدينة مونتلا جولي. الذي يروج ان الخضر خرج معهم في الجولة. عندما كان في جزر القمر. فهذا الاعتقاد بنوا عليه خرافات وأشياء باطلة كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم والأولياء الميتون أحياء كحياتنا الله حياتنا الآن. فالله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. Ça, ce sont leurs croyances chez leurs grands frères en Allah, Azza wa Jal. Lorsque le prophète sallam vient et assiste à leurs assises et fait le compte de leur école et qu'il assiste à leur fête qu'ils appellent les fêtes du Mouloud. Et comme je t'ai dit auparavant, l'un de leurs anciens, un Algérien, un de leurs anciens, une de leurs têtes, là-bas à Montelajoli, qui est un des fiefs d'El Tbilir, propagé il y a 10 ans, quand il est revenu des îles Comores, comme quoi le Khadr sortait avec eux, faire le jaoula à travers, hein, les îles Comores. Et donc, puisqu'il croit que le prophète, alayhi salam, il est vertueux, vive une vie comme notre vie ici, ben, il base dessus ses croyances, et là-dessus, ils construisent des histoires à dormir debout, et ils propagent des choses qui sont nulles et non avenantes. Fallah al-Musta'an. كذلك يقول الشيخ النجمي رحمه الله تعالى الملاحظة السادسة عشر أنهم يجهلون توحيد الألوهية ولا يجعلون له قيمة ولا اهتماما في حسابهم لما قد تقدم توضيحه في الملاحظات السابقة. Et la 16e critique, frère en Allah Azza wa Jal, c'est qu'ils ignorent, ils mettent de côté le monothéisme de l'adoration. Ils lui donnent aucune importance. Ils s'en occupent pas. Comme Cheikh nous en a éclairé dans les observations auparavant. فَتَرَاهُمْ إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ يَدُورُونَ حَوْلَ تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَةِ لِأَنَّهُ تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَةِ لَا أَحَدَ يُنْكِرُ حَتَّى الْيَهُودَ لَنْ يُنْكِرُوا عَلَيْهِمْ وَلَا النَّصَارَى. وهذا التوحيد توحيد الربوبية لن يجدي شيئا، وهكذا لا ينفر منهم الصوفي ولا القبوري ولا الأشعاري ولا الماتريدي ولا الشيعي ولا الرافضي. ولكن الآن أنت إذا أتاك هندوسي أو يهودي وقال لك أنا أعترف أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله هو المميت، هل تقول له أنت مسلم؟ فهذا لا يدخل في الإسلام. ولو كان ينفع لنفع أبا جهل وأبا لهب وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما الفائدة أن ندور ونلف حول هذا التوحيد، توحيد الربوبية؟ وهذا التوحيد لا ينفع إلا إذا اكتمل بتوحيد الألوهية، أما مع الشرك فلا ينفع أبدا. فأخيرون الله عز وجل dans leur discours et dans leurs assises, ils tournent souvent leur discussion, c'est autour du monothéisme, de la souveraineté. Allah subhanahu wa ta'ala a créé la vache. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'herbe. Ben la vache, regardez subhanallah, la vache mange l'herbe et la vache subhanallah, il donne du lait. Et après ça, hein, ce monothéisme de la souveraineté, personne ne le rejette. Même les juifs, même les chrétiens. Mais il ne sert pas. Et pourquoi il ne parle que du monothéisme de la souveraineté? Comme ça, le Sophi va rester avec eux. Celui qui adore les tombes va rester avec eux. L'Ash'ari restera avec eux. Le Maturidi restera avec eux. Le Rafidi restera avec eux. Le Shi'i restera avec eux. Hein? Nusayri restera avec eux, le Druze restera avec eux. Maintenant, si un hindou vient te voir, qui est sur la religion hindouiste, ou un juif vient te voir et dit, moi je reconnais que Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur. Il est celui qui donne la subsistance. Il est celui qui fait mourir. Est-ce que tu vas dire qu'il est musulman? Ceci ne le rentre pas dans l'islam. Et ceci, si ceci était bénéfique, ben il aurait été bénéfique pour Abu Jahl, Abu Lahab et l'oncle du prophète alayhi salatu wasalam. Tous reconnaissaient que Allah subhanahu wa ta'ala donne la subsistance, donne la vie dans la mort. Donc, pourquoi tourner tout le temps autour de ce monothéisme? Pourquoi perdre du temps à parler que de ce monothéisme? Alors que ce monothéisme, s'il n'est pas complété par le monothéisme de l'adoration, il ne sert à rien. Si avec ce monothéisme, le monothéisme de la souveraineté, on est dans l'associationnisme, ça ne sert à rien du tout. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى الملاحظة السابعة عشر وهم في توحيد الأسماء والصفات أشعرية ما تولدية وإن كانوا يقرؤون الحديث للبركة. الشيخ دو نو دير la 17e critique. Et au niveau des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, ils sont soit Ash'ari, soit Maturidi. C'est eux qui l'ont reconnu directement, par la voix de leurs savants. Même s'ils le lisent les livres d'Al Hadith, ils les lisent pour avoir la bénédiction. الملاحظة الثامنة عشر أن عباراتهم تدور حول توحيد الربوبية وهذا التوحيد لا يدخل أحدا في الإسلام كما لم يدخل مشرك العرب وكانوا يعترفون بربوبية الله سبحانه وتعالى La 18e critique ديال الشيخ النجمي que leur expression tourne toujours autour du monothéisme de la souveraineté du monothéisme ديال الربوبية et ce monothéisme ne rentre personne dans l'islam comme il n'a pas rentrer les associateurs arabes dans l'islam, alors qu'ils reconnaissaient la souveraineté d'Allah Azza wa Jal, et ils reconnaissaient la rububiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك الملاحظة التاسعة عشر أنهم يبغضون دعاة التوحيد الذين يسمونهم بالوهابية ومر معنا ها أن أحد كبارهم قال الوهابية الخبيثة الملاحظة التاسعة عشر أنهم يبغضون دعاة التوحيد الذين يسمونهم بالوهابية كابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وهذا يدل على انحرافهم وخبتهم وضلالهم La 19e critique Ils détestent les prêcheurs du monothéisme qu'ils appellent les wahhabites comme ابن تيمية comme ابن القيم comme ابن عبد الوهاب et ça, ça te prouve leur égarement et leur impureté. Et il est passé avec nous, comme quoi il disait, c'est wahhabiya impur. فكل صوف أخى الإسلام يعادي محمد بن عبد الوهاب. وكل ما تريدي وأشعري يعادي ابن تيمية. انظر إلى الأحباش يعادون ابن تيمية ويعادون لأنهم لا يقرون بالأسماء والصفات كأهل السنة والجماعة كما يعادون ابن محمد بن عبد الوهاب لأنهم صوفية كذلك فكل صوفي يعادي محمد بن عبد الوهاب وكل ما تريد يا أشعري يعادي ابن تيمية وكل جهمي ومعتزلي يعادي أحمد بن حنبل لأنه حسب حرب البدعة فأحمد بن حنبل كان ضد الجهمية والمعتزلة لذلك الأشعرية يعظمونه وابن تيمية كان ضد الماتريدية والأشعرية لذلك هؤلاء يمقتونه ولا يحبونه وابن عبد الوهاب كان ضد الصوفية القبورية فحسب الوقت والبدع المنتشرة في ذلك الزمان فخون الله عز وجل ça c'est chose très important tout soufi est un ennemi de Mohamed ibn Abd al-Wahhab il prend comme ennemi Mohamed ibn Abd al-Wahhab et tout maturidi yash'ari prend comme ennemi ibn Taymiya regarde l'ahbash maintenant Ils ont une grande haine d'Ibn Taymiyyah et de ceux qui sont sur la voie d'Ibn Taymiyyah parce que eux, ils ne reconnaissent pas les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il sied à la grandeur d'Allah azza wa jal et comme le confirment les puzzers d'Allah alim comme Ibn Taymiyyah et autres. Et ils sont les ennemis aussi d'Yal, Mohammed ibn Abd al-Wahhab parce que, ils sont soufis. Ils ont aussi des voix soufis. يشاش فخيرون الله عز وجل كتو جهمي تو معتزلي برون كوم انمي احمد بن حنبل باسكو الى في لا غير ا ليدي او لا كرويونس دو فيت دو كروار كو القران اي تين كرياتور د الله اي تو سوسي سي بار رابور ا لا غير كو را في لوم دو سيونس ا لا انوفاسيون احمد بن حنبل ايتي كونتر لي جهمي تي المعتزليت سي بور سا كو الاشاعره فينير احمد بن حنبل Et Ibn Taymiyyah était contre les maturidites et les ash'arites. Ibn Abd al-Wahhab est contre les Qubouris et les soufis. C'est pour ça qu'il le déteste. Et à chaque période, et selon l'innovation qui est propagée, l'homme qui va contrer cette innovation va avoir des ennemis. Wa fi zamanina hada, Cheikh Mohamed Amal Jami, wa Cheikh Rabi' ضد الحزبيين, wa Cheikh Ubaid wa ghayrihum ضد الحزبيين. والشيخ النجمي كذلك ضد الحزبيين لهذا الحزبيين يبغضونهم يا نوتر ايبوك مانتنو الشيخ محمد امان الشيخ ربيع الشيخ عبيد الشيخ النجمي ils sont contre les حزبي ils contre les sectarisme des partis c'est pour ça que les حزبي les détestent فسبحان الله كل فئة ضالة قيد الله لها جندي من جنوده سبحان الله العظيم Et la gloire est à Allah Azza wa Jal. Chaque groupe égaré, Allah subhanahu wa ta'ala prépare un soldat pour ce groupe pour les combattre. Et la gloire et toute la louange revient à Allah Azza wa Jal. En tout lieu, en toute époque. Regardez la bataille que mène Cheikh Rabi' contre les Hizbiyin. Wa hakada ahyanan takunu imamatun 'amma aw imamatun khassa. بمعنى أن أهل الضلال يجتمعون في أقطار العالم على بغض شيخ شخص واحد وهذه كانت لأحمد بن تيمية لأحمد بن حنبل وابن تيمية وللشيخ محمد بن عبد الوهاب وكذلك يدخل فيها الشيخ بن باز كثير من المبتدعة في العالم يبغضون الشيخ بن باز ويبغضون الشيخ الألباني ويبغضون الشيخ مقبل ويبغضون الشيخ ربيع والشيخ محمد أمان فالحزبيون في مشارق الأرض ومغاربها يبغضون هؤلاء Donc frère en Allah, Zawajal, il faut que tu te rends compte d'une situation aussi. Des fois, l'imamat d'une personne, il est général. Il est connu à travers le monde entier. Et les gens de l'égarement à travers le monde entier le combattent. Et ceci a été le cas de l'imam Ahmed, a été le cas d'Ibn Taymiyyah, et c'est le cas de Mohammed ibn Abdul Wahhab, et c'est le cas aussi d'Ibn Baz, de Cheikh Muqbil, et de Cheikh Al-Albani, et de Cheikh Rabi', et de Cheikh Mohammed Amal Jami. Les Hizbi à travers le monde détestent ces hommes-là, et détestent leur voix. وكذلك هناك إمامة خاصة يكون الحزبيون وأهل الضلال يبغضون عالما في بلدهم فإن سألت أهل البدعة في ذلك البلد عن ذلك العالم طعنوا فيه ورموه بالعظائم ومن هنا قال السلف إذا رأيت العراقي يبغض الثوري والشامي يبغض الأوزاعي فمعنى ذلك أن هذا مبتدع ها et aussi il y a une imama particulière fait que les hizbis d'un pays vont détester un homme de science, vont détester un homme de science dans leur pays. Les hizbis, les gens de l'égarement du pays vont le détester. Et quand tu leur poses des questions sur cet homme de science, ils vont le critiquer, ils vont l'insulter, ils vont dire n'importe quoi sur lui. Partant de là, salaf on dit, quand tu vois l'homme, quand tu vois l'Irakien détester Tawri, et que le Shami, l'habitant du Sham, détester l'Aouzaï, sache qu'il est innovateur. Quand l'Irakien dit, les puzzles disaient, quand l'Irakien déteste Tawri, et quand le Shami déteste l'Aouzaï, sache qu'il est innovateur. La même chose, on va faire l'analogie pour notre jour maintenant. كذلك قياسا على هذا نقول إذا رأيت الشامي يبغض الألباني فهو مبتدع. Maintenant, on fait l'analogie sur ces questions que posait Salaf. Et ce baromètre qu'avait mis Salaf, et on dit, quand tu vois actuellement l'habitant d'Yel Sham critiquer et dénigrer Cheikh Al-Albani, sache que c'est un innovateur. Waïdar ait al-Yamani, yubridu Cheikh Muqbil, fahuwa mubtadi'. Et si tu entends le Yamani, détester Cheikh Muqbil, sache que c'est un innovateur. Et si tu vois le Marocain détester Cheikh Taqi Dil Hilali, c'est un innovateur. وإذا سمعت المغربي يبغض الشيخ تقي الدين الهلالي فهو مبتدع وإذا سمعت الجزائري يبغض الشيخ فرقوس والشيخ عبد الملك رمضاني وامثل هؤلاء فاعلم انه مبتدع Et si tu entends de la part des Algériens critiquer Cheikh Abd al-Malik Ramadani, critiquer Cheikh al-Farkous, critiquer l'Aouissat et ce genre de machaïkh en Algérie, sache que c'est un innovateur qui les critique. وإذا رأيت السعودي يبغض الشيخ ربيع والشيخ محمد أمل جامي ففيه شيء. Et si tu vois le Saoudien détester الشيخ ربيع et الشيخ محمد أمل جامي et الشيخ عبيد et l'exemple de chez Machaïr comme الشيخ النجمي, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur manège et que ils font partie des gens de l'innovation à l'islam. وهكذا يمتحن الناس بعلمائهم المعروفين بالتمسك بالسنة وبمنهج السلف الصالح لأننا لا نعرف هؤلاء الرجال من أين اتجاه هم لكن نسأله عن شيوخه السلفيين المعروفين في على الجادة وعلى المنهج السلفي في بلاده من يحب عمن يأخذ وهذا الامتحان لا بأس به وقد كان السلف يفعلونه يمتحنون الإنسان بعلماء بلده Donc Frère en Allah, Azzawajal, c'est de façon d'éprouver les gens et de poser des questions sur les hommes de science de leur pays. Quand tu connais pas quelqu'un et tu sais qu'il est algérien, ben tu lui poses des questions. De qui il prend? Tu ne connais pas sa voix. Tu ne sais pas quelle tendance il est. Ben, donc, tu peux lui poser des questions sur le machaïr de qui il prend en Algérie. Hein? Pour connaître son orientation. Le Marocain, la même chose. Hein? Le Saoudien, la même chose. Et cette façon de faire, de poser la question, Salaf, il la connaissait. Pour savoir si cette personne prend des hommes de science dignes de la voix du plaisir d'Allah Alim, ou là, il ne prend pas d'eux. Il n'y a aucun mal à poser ce genre de questions. Mais il faut, bien sûr, savoir bien le poser. Il ne faut pas que ce soit un interrogatoire de la PJ. Hein? Et Salaf, d'Allah Alim, il le faisait. Ils éprouvaient les gens et leur posaient des questions sur leurs savants de leur pays. فهذا والد الفيزازي رأس التكفيريين في المغرب عندما أتى إلى الشيخ ابن باز وطلب منه مساعدة مادية لفتح مركز في المغرب قال له ائتني بتزكية من الشيخ تقي الدين الهلالي امتحنه بمن؟ بالشيخ تقي الدين الهلالي بهذا العالم السلفي Le père de Fizazi, Fizazi Hada, le jeune qui est en prison maintenant, qui est la tête des Tkfiri au Maroc, quand son père est allé voir Cheikh Ibn Baz, il a demandé à Cheikh Ibn Baz une aide financière pour ouvrir une école ou un centre là-bas au Maroc. Cheikh Ibn Baz, comme il ne le connaissait pas, il lui a dit, va me chercher une tazkiya de Cheikh Taqi Eddin Hilali. Va me ramener une tazkiya de Cheikh Taqi Eddin Hilali. Il l'a éprouvé avec un nombre de sciences dignes du nom et dignes de la voix du puiseur d'Allah alayhim. Fakana salaf d'Allah alayhim, yakouluna lil'iraqi anta man tuhib fi l'iraq. Yakoul l'iraqi ana shuyukhi alladina uhibbum. Yahya ibn Ma'in, wa Ahmed ibn Hanbal, wa Ali al-Badini, wa amtal ha'oula. Idan hada min ahli al-hadith, wa min ahli al-salaf, wa min atba'i al-salaf. Wa idha qala ana shuyukhi abi du'ad. وزفر وابن التلجي قالوا هذا جهمي وهكذا يمتحن الناس بشيوخهم المعروفين السلف رضو الله عليهم ديزي علي غاكيا كنت اللي رنكونتر كي تيام parmi les hommes de science de ton pays s'il dit j'aime Yahya ibn Ma'in يا أحمد بن حنبل يا علي المديني هذا il fait partie des gens du hadith il suit la voix du pizzer رضو الله عليهم mais par contre s'il dit moi mes chouyours ce sont de Had et Zafar Ibn Talji, Hada, c'est un Jahmi. Et donc, il n'y a pas de mal à poser des questions sur le machaïr du pays, pour savoir la personne de quelle orientation il est, et sur quelle voie il est. Le moulahadat al-20, يقول الشيخ النجمي, رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته الملاحظة العشرين أنهم لا يصرحون بوجوب الكفر بالطاغوت ولا يرضون لأحد أن يتكلم عن الكفر بالطاغوت ويغضبون غضبا شديدا إن تكلم أحد عن ذلك بل ويطردونه من بينهم La 21e critique qui met Cheikh Najmi contre Jama'at Tabligh c'est qu'il ne déclare pas clairement qu'il est obligatoire de mécroire en Tarot. Et il n'accepte pas de quelqu'un parmi eux de parler de la mécréance d'Al Tarot. Et il se met en colère quand quelqu'un parle dans son bayan, dans son discours du fait de mécroire en Tarot. Et des fois même, ils peuvent le jeter dehors. Et le sachez de leur groupe. كذلك الملاحظة الحادية والعشرون أنهم لا ينهون عن منكر ولا يصرحون لأحد بأنكار أي منكر بل يعدون التنصيص على بعض المنكرات ينافي الحكمة كما زعموا والله سبحانه وتعالى قد دم بني إسرائيل ولعنهم بسبب عدم تناهيهم عن المنكر فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فهل ترى أنهم هم أعلم أم الله La 21e critique qui met Cheikh Najmi contre cette jamaa, c'est qu'ils ne blâment pas le mal et ils ne déclarent pas et ils ne disent pas à leurs disciples de blâmer le mal mais Ils disent plutôt que le fait de blâmer le mal, ceci va à l'encontre de la hikma, de la sagesse, comme il prétend. La sagesse est dessous. Ça ne fait pas partie de la hikma de blâmer le mal. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé Banu Israël, il les a maudits à cause du fait qu'ils ne s'interdisent pas le mal. Et il dit dans le verset, ils ont été maudits ceux qui ont mécru de Banu Israël par la voix de Daoud, de Isa ibn Maryam, parce qu'ils ont désobéi, ils ont dépassé leurs limites. Et ils ne s'interdisaient pas un mal qu'ils faisaient. Malheur et mauvais ce qu'ils faisaient. Le Cheikh Najmi يقول, est-ce que on agissons ainsi, c'est eux qui savent ou là c'est Allah Azza wa Jal? Et tu as entendu l'histoire de ce émir saoudien qui a blâmé le demandeur de science, qui a blâmé l'acte de l'hindou, qui faisait des, dans la nuit qui s'est levé à faire des dhikr, ho, ho, ho, ho. Et cet étudiant de science a arrêté, et le lendemain matin quand il l'a conté à son émir, qui a reçu le blâme? C'est le demandeur de science, et non pas l'hindou qui était dans l'innovation et dans une invocation qui ne fait pas partie de la sunna de Mohammed a.s. Ainsi ils sont à l'islam. Il ne te fait pas avoir de l'apparence et des beaux paroles et des belles paroles. الملاحظة الثانية والعشرون أن قول مؤسس هذه الجماعة فمقصد لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله مفهومه الإيمان بوحدة الوجود وهو أن اليقين الفاسد عندهم هو ما يعتقده كل مسلم أن كل ما نراه ونسمعه ونلمسه ونحسه فهو مخلوق إلا كلام الله فهو صفة من صفاته غير مخلوق والله خالق هذا الكون والمالك له والمتصرف فيه وهو مستوي بذاته على عرشه بائن من خلقه وعلمه بكل مكان فهذه العقيدة باطلة عند أصحاب وحدة الوجود واعتقادها اعتقاد باطل وفاسد عندهم واليقين الصحيح على ذات الله وعندهم اليقين الصحيح على ذات الله أنه ليس على العرش وأن الرب كل ما نراه من المخلوقات كما سبق أن بينته ودللت عليه من كلامهم وتصريحاتهم وأورادهم. Et la 22e critique du Cheikh Najmi رحمه الله تعالى dit: la parole du fondateur de la Jama'a qui dit le but de la ilaha illallah, c'est sortir les fausses certitudes du cœur sur les choses et rentrer la certitude, la réelle certitude sur l'essence d'Allah. Il a dit, cela veut dire croire en l'unicité de l'existence, qu'Allah et ses créatures, c'est la même chose. Et l'yaqin, les fausses certitudes chez ces gens-là, c'est ceux qui croient en l'unicité de l'existence, c'est les croyances avenantes des musulmans. C'est quand le musulman croit que tout ce qu'il voit, tout ce qu'il touche, etc., c'est une créature, sauf la parole d'Allah Azza wa Jal, qui est le Coran, qui est un attribut d'Allah Azza wa Jal, qui est sa parole, qui est un des attributs d'Allah, et qu'il n'est pas créé, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout cet univers, et qu'il possède tout cet univers. Il est le roi de tout cet univers. Il gère tout cet univers. En étant établi au-dessus de son trône et loin de ses créatures. Mais il est avec eux, avec sa science. Il sait ce qu'ils font en étant en hauteur, en étant au-dessus de tout. Et sa science, il est partout. Et donc, ce dogme, qui est le fait de croire en l'unicité de l'existence, il est nul et non avenant. Et le fait de le croire, ce sont des croyances fausses et non avenantes. Et pour eux, la certitude avenante sur l'essence d'Allah, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas sur son trône. Et que Allah subhanahu wa ta'ala est toutes les créatures que nous voyons. Comme Cheikh nous l'a éclairé auparavant. Et il a ramené des preuves de leurs paroles et des déclarations de leur forme d'invocation. وعلى هذا يقول الشيخ فمعنى لا إله إلا الله أنه لا موجود إلا الله وذلك نفي لوجود كل موجود إلا الله تعالى تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. Et partant de là, dit Cheikh Najmi rahimahullah ta'ala, pour eux la signification de la ilaha illallah, ça veut dire qu'il n'y a qu'Allah qui existe et que les autres, il n'y a plus, il y a rien qui existe en dehors d'Allah Azza wa Jal. Hein? Et ceci, c'est une parole blâmable et c'est une parole fausse. ويقول الشيخ أبو مالك حفظه الله تعالى ولها تفسير آخر، أي هذه الكلمة إخراج اليقين الفاسد يمكن أن نعطيها تفسيرا آخر، وهو أن لا يتعلق القلب بشيء من الأشياء حتى ولو من جهة اعتباره سببا. وإدخال اليقين الصحيح أنك لا تنظر إلا لله، وهذه كلمة حق أريد بها باطل، أي لا تنظر إلا إلى الله، أي لا تتعلق بسبب. إيه الشيخ أبو مالك يقول on peut lui donner aussi une autre interprétation, sortir les fausses certitudes sur les choses. C'est aussi que ton cœur ne soit pas suspendu aux choses. Et ces choses qui sont ta moyen, une cause pour arriver à quelque chose. Et rentrer la certitude authentique sur Allah Azza wa Jal, c'est que tu ne vois qu'Allah Azza wa Jal. Et que ça, il dit, hein, que tu vois que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait et non pas la cause. Et ça, il dit, c'est une parole vraie avec laquelle on veut du faux. Dire, hein, chez eux, ne voit qu'Allah, Azza wa Jal, c'est-à-dire, ne t'attache pas aux causes. Ils n'utilisent pas les causes. C'est-à-dire, mettre de côté les causes. Et ceci est faux. Et la sunna d'Allah, Azza wa Jal, veut de nous qu'on utilise les causes et les moyens et qu'on fasse confiance à Allah, Azza wa Jal. وهذا مما لا شك فيه تفسير صوفي، ولذلك الصوفيون يقولون لك إذا دخلت الفلات ادخل الفلات ولا تأخذ معك ماء ولا طعام، فإذا أخذت شيئا من هذا فقد تعلقت تعلقا فاسدا بالأشياء. فالأخذ بالأسباب جاءت به الشرائع، جاء به الأنبياء، الأنبياء أخذوا بالأسباب. موسى لما خاف من آل فرعون خرج منها يترقب، والنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة بقي في العار 3 أيام. لماذا؟ أخذا بالأسباب والاحتياط. وإذا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل ها يلبس الدرع ويضع المغفر على رأسه. Donc, frère en Allah, il n'y a aucun doute que cette interprétation, qui est le fait de s'attacher à Allah et de ne pas s'attacher, hein, de sortir la fausse certitude, hein, sur les choses, et de s'attacher à Allah et ne pas s'attacher aux causes, c'est une interprétation sophie. C'est pour ça que les sophies disaient à leurs disciples, quand tu rentres dans un désert où tu vas trouver ta perte, ne prends avec toi ni l'eau, ni la nourriture. Si tu prends l'une de ces choses, c'est que tu t'es attaché à ces mauvaises choses. Et le fait de prendre les moyens et d'utiliser les moyens, ceci est dans la législation, toutes les législations. Les prophètes, alayhi salam, ont utilisé les moyens qu'ils avaient. Moussa, quand il avait peur, il est sorti en ayant peur de la ville. Il s'est sauvé. Il a pris le moyen pour se sauver de Pharaon, il est sorti de la ville. Et il faisait attention. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour son immigration, il est resté dans la grotte 3 jours. Pourquoi? Il a utilisé les moyens. Il a pris ses précautions. Et quand il sortait pour le combat, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il mettait son armure. Et il mettait un casque sur la terre en fer, sur la tête en fer. Il utilisait les moyens, alayhi salatu wassalam. فهؤلاء يفسرون كلمة لا إله إلا الله بهذا التفسير الغالي، أنك إذا أخذت بالأسباب هذا يعني أنك لا تتوكل على الله التوكل الصحيح. Et cela donne cette interprétation à la ilaha illallah, cette fausse interprétation et cette interprétation qui va aux extrêmes, que si tu utilises les moyens, cela veut dire que tu ne fais pas réellement confiance à Allah Azza wa Jal comme il se doit. Ainsi, frère en Allah Azza wa Jal. Wa tawakkul sahih huwa l'i'timadu ala Allah ma'a al-akhdhi bil asbab. Et là, le fait de faire confiance à Allah Azza wa Jal, et tawakkul avenant, c'est le fait de faire confiance à Allah et d'utiliser les moyens. Fahum yadfa'una hadhihi at-thaniya ويجعلونها قدحا في التوحيد وطعنا في التوكل، وربنا يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Et Donc tu vois, frère en Allah, Azzawajal, le fait d'utiliser les moyens, au moins ils le mettent de côté. Ils font que le fait d'utiliser les moyens, il faut que ça dénigre le monothéisme. Et que ça dénigre ton tawakkul, le fait de faire confiance à Allah, Azzawajal, celle de l'Union. Alors que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a décrété, et prenez vos provisions, car la meilleure des provisions est en taqwa. Mais il a dit pour le voyageur, hein, prends tes provisions avec toi. Utilise les moyens. Et la meilleure des provisions étant le fait de préserver les droits d'Allah, Azzawajal. Mais prends tes provisions pour ton voyage. وبعض إخواننا عندما بدأ في التدريب في عمل أتوه وقالوا له اترك هذا لا ينفعك أنت تتعلق بالأشياء وبهذه الأمور. Et un de nos frères qui est sorti d'eux et qui était un de leurs anciens, quand il a commencé à faire un stage, et ceci c'est une histoire qui est arrivée il y a à peu près 11 ans maintenant, quand il a commencé à faire, le pauvre, à faire un stage pour trouver un travail, ils sont allés le voir chez lui. Ne fais pas ça, ça va te servir à rien. Viens, sors avec nous. Tu as délaissé le travail, tu ne fais plus d'œuvres dans la mosquée, ni rien du tout, tu n'es plus avec le jama'a. Viens, laisse ça. Le stage, ça va rien te servir. Ne t'attache pas aux causes. Ce n'est qu'une cause. Ne t'attache pas. Attache-toi à Allah, Azza wa Jal. وكان قديما معهم خرج عدة مرات 40 يوما وعلى أبواب الخروج 4 أشهر فتفطن وأنقذه الله وتركهم وإلا كان يذهب لغسل دماغه ويصبح منديلا بين أيديهم بعد أن يغسل دماغه في الهند والباكستان. Et ce frère, il était un ancien parmi eux. Il est sorti plusieurs fois, 40 jours, ici en France et en Europe. Hein? Il était sur le point de partir 4 mois. Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé. Et il a regardé la réalité en face. Alors, s'il était parti en Inde et au Pakistan, il lui aurait la dernière étape pour lui faire son lavage de cerveau. Il serait une serpillière entre leurs mains. وَيَتَبْلِغِينَ فِي هَذَا الصَّدَدْ قَصَصٌ غَرِيبَ وَعَجِيبَ فِي نَفِي الْأَسْبَابِ. Les tabliriens ont beaucoup d'histoires à dormir debout dans le fait de mettre de côté les moyens. فهذه قصة يقولون مرة أنها في الهند مشايخهم يعيدنا ويقولون مرة جرت في الهند مرة في إفريقيا مرة هنا ومرة هنا. هذا يدلك على الكذب. يقولون أن رجلا كان يبيع الإسفنج وأتاه من جماعة تبليغ لكي يحاولوا أن يخرج معهم فقال لهم أنا كذا وأولادي ولا أستطيع وكذا وكذا. فقال له الآخر هذا الذي أنت تفعله ما هي إلى أسباب وأنا سأريك أن حتى النار وحتى هذه الزيت الحامية لا تفعل شيئا. فقال بسم الله توكلت على الله فأخشى يده في الزيت الغالية 100 دقري وخرج منها فقال فلم تحترق فخرج الرجل معهم. كيف اخشي يدك فيها وسترى انها ماشي غادي تحرق غادي تقرمل. Voici maintenant, ils ont beaucoup d'histoires dans lesquelles ils mettent de côté les moyens, comme quoi il faut pas s'attacher aux moyens. Il raconte cette histoire, là où ils sont, ils prennent la couleur du pays. Des fois ils disent que c'est en Inde, des fois c'est au Maroc, des fois c'est en France. Chaque fois ils lui donnent l'aspect du pays pour qu'il convienne. Et c'est leur grand qui raconte cette histoire. Ils disent qu'un homme est venu voir celui qui fait des beignets et qui les jette. Il a devant lui une grande marmite dans laquelle il y a de l'huile qui bout à plus de 100 degrés. Et il commence à le baratiner pour qu'il sorte avec eux, fisabilillah. Et il leur dit, lui, mais j'ai des enfants, si je ne fais pas chaque jour et je ne vends pas les beignets, mes enfants, je peux pas leur ramener la subsistance, etc., etc. Il dit, mais non, mais toi, tu t'attaches aux causes. On va te montrer. Tu vois cette huile qui bout? Je vais rentrer ma main dedans et il va rien arriver. Parce que c'est sauf Allah qui fait les choses. Et l'autre, soi-disant, il a dit, bismillah, tawakkaltu Allah. Il a plongé sa main dans l'huile bouillante et il est sorti comme si rien n'était. Vas-y, moi, je viens te voir en face de moi. Fais-le en face de moi. Moi, j'ai de bouillir zit. Je vais te la bouillir et viens rentrer ta main, tu vas voir. كذلك يعطونا كذلك مثال. ذهبوا في سيارة فانقذ البنزين في مكان بعيد. فماذا فعلوا؟ قالوا قلنا بسم الله ووضعنا الماء فتحركت ومشت بنا السيارة. فهل هذا عمل طبيعي؟ وهذا عمل تطبيقي يدلك على أنهم ينفون الأسباب. وهل يعقل أن سيارة تمشي بالماء؟ عند العقلاء لا، ولكن عند التبليغيين نعم، وعندهم قصص كثيرة من هذا القبيل، أن ما عندهم يقين فاسد بذات الأشياء، فيقولون أنت عندك يقين فاسد، تعتمد على الراتب وعلى الأكل وعلى المال، وتعتمد على أهلك وعلى أمك وعلى أبيك. وما هو اليقين الصحيح يا جماعة؟ ألا تتخذ سببا أبدا، ما تعتمد على شيء ولا على أحد إلا على الله. ما رأيكم أيها الإخوة؟ هذا غلو لا شك فيه أنه غلو وفساد في التصور. دونك يعني الله عز وجل ils ont beaucoup d'histoires dans ce style. Des fois ils disent qu'ils sont tombés en panne avec la voiture dans un endroit lointain. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bismillah, ils nous ont mis de l'eau dans le réservoir. Eh, dit la voiture a marché, il nous a ramené, là où on voulait. Ça te prouve, qu'ils mettent de côté, qu'ils négligent les causes, qu'ils les mettent de côté. Est-ce que ce genre d'histoire, celui qui est doué de raison, va les accepter? Évidemment non, mais Tiblirin, ils acceptent. Ils disent, subhanallah, le karamat, Allah, il nous a honorés. Ils ont beaucoup d'histoires comme celle-ci. Ils disent qu'eux, ils n'ont pas les fausses certitudes sur les choses. Ils disent, toi, tu as des fausses certitudes. Parce que tu t'attaches aux choses. Tu t'attaches à ton salaire. Tu t'attaches au travail, à la nourriture, à ta femme, à tes enfants, à ceci, à batati, batata. Ya jama'a. Ya jama'a tibliq. C'est quoi la certitude avenante? Pour eux, la certitude avenante, c'est ne pas d'utiliser les moyens et de faire confiance à Allah, tout simplement. Qu'est-ce que vous dites, vous? Ça, c'est aller aux extrêmes. Et les grands du Jama'at Tabligh, les grands, ici en Europe et partout, ils ont des grandes sociétés. Société de peinture, entreprise de peinture, l'autre, il le des bâtiments, l'autre, il prend chaque année 250 personnes ou 300 personnes pour le pèlerinage, et ainsi de suite. Ils ne prennent pas avec les moyens, ils n'utilisent pas les moyens pour subvenir à leurs besoins. Mais pour les petits novices, msakin, combien de jeunes, maintenant, ils sont arrivés à l'âge de 40 ans. Au lieu d'aller, quand ils avaient 20 ans, etc., s'occuper, à avoir une formation, etc., maintenant ils traînent la patate. Combien? Viens dans la région parisienne, au nord de la France, etc. Ils étaient aveuglés par ce travail, ils n'ont rien vu passer, 10 ans sont passés, 15 ans sont passés, certains, quand ils ont fait comme ça, quand ils se sont tournés, ils ont vu que leur gamin qui avait 5 ans au moment où ils sont rentrés dans Jama'at Tabligh, ils ont 25 ans maintenant, et qu'ils ne peuvent rien pour eux, et qu'ils ne leur ont donné aucun moment pour les éduquer, et que tout leur temps était dans quoi? Khuruj, khuruj, khuruj. Khuruj, khuruj. Amal maqami, amal, les œuvres à faire dans le quartier, les œuvres à faire dans l'autre quartier, visiter celui-là, aller, checker celui-là, aller former une jama'a, aller faire ceci, cela. Et ils ont perdu 20 ans, 25 ans, un quart de siècle, Khal Islam. Et j'en connais. Fa Khal Islam, annasu yanqasimuna ila talat aqsam. ناس ماديون معتمدون على الأسباب، وهذا الغالب على أهل الدنيا، ولا ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. والغائب على هؤلاء أنهم لا رصيد لهم من التقوى والإحسان. ورسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والغالب على الماديين أنهم لا يعرفون الله في الرخاء. ثانيا صنف آخر، وهؤلاء الصوفية الذين لغوا الأسباب تماما بعكس الماديين. فالإنسان مثل ما ذكر العلماء ابن القيم وابن تيمية وغيرهم الذين أدركوا الصوفية الأوائل أن منهم من يدخل الصحراء المهلكة بدون طعام ولا شراب، ألغوا الأسباب تماما. والقسم الثالث هم الوسط، وهم أتباع الأنبياء يقرون بالأسباب خلافا للصوفية ويعملون بها ولكن لا يعتمدون عليها اعتمادا كليا، وإنما يعتمدون على الله سبحانه وتعالى. فثقتهم واعتمادهم على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب، هذه طريقة الأنبياء. والطريقة الأولى طريقة الماديين الشهوانيين، والطريقة الثانية طريقة غلاة الصوفية الأخبات. Donc, les gens, frères en Allah, Azza wa Jal, devant les causes, ils sont de trois catégories. La première catégorie, ce sont les matérialistes. Ils s'appuient sur les causes et sur le matériel. Et ça, ce sont les gens de ce bas monde qui ne voient pas Allah, Azza wa Jal. Hein? Et ceux-là, ils n'ont aucune part d'yel taqwa, ni du fait de faire bien. Ils n'ont pas une part d'yel taqwa. Et notre prophète alayhi nous a appris qu'il faut connaître Allah Azza wa Jal durant les onces, et Allah subhanahu wa ta'ala te connaîtra durant les difficultés. Et ce qui est moins courant chez les matérialistes, c'est qu'on ne connaisse pas Allah Azza wa Jal durant les onces. La deuxième catégorie de personnes, ce sont Sophia, qui ont mis de côté et qui ont négligé les causes. Ils sont le contraire des matérialistes. Et l'être humain, comme Ad ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, qui ont connu les grands sophies, et les grands sophies de cette époque, dit, parmi eux, il y a des gens qui rentrent dans le désert, où il va périr, sans amener de nourriture, sans amener de boisson. Ils ont complètement négligé, mis de côté, les moyens. La troisième catégorie de personnes, ce sont les gens du juste milieu. Ce sont ceux qui suivent les prophètes alayhi salatu salam et qui confirment qu'ils utilisent les moyens, contrairement à Sophia, et qui mettent en application les moyens. Mais ils ne s'appuient pas sur le moyen complètement. Mais ils font confiance à Allah. Ils s'appuient sur Allah, Azza wa Jal. Leur confiance, il est pour Allah. Hein? Et ils s'appuient sur Allah, Azza wa Jal, tout en prenant les moyens, en utilisant les moyens adéquats pour la chose vers laquelle ils veulent arriver. Et c'est ainsi la voie du prophète, alayhi salatu salam. La première voie étant la voie du matérialiste, ceux qui suivent leurs plaisirs et leurs désirs. La deuxième voie, ceci est la voie des extrémistes, d'yal, sauf yal akhbat. Fa yaqulu Cheikh Najmi, حفظه الله تعالى الملاحظة الثالثة والعشرون اعتقادهم في المنامات والكرامات والحكايات والخرافات وأن فلان خرج من عند أهله وأغلق الباب عليهم ومكت عنهم 14 أشهر ثم عاد إليهم فوجدهم على أحسن حال ولما سألهم قالوا له إن عجوزا تدخل عليهم وتخدمهم وقد سمعت مثل هذا من بعضهم بأذني ويزعمون أن هذه كرامة تدل على أن عملهم مرضي من الله عز وجل. Et la 23e critique, frère Allah عز وجل, c'est qu'il croit dans les rêves et dans soi-disant les choses surnaturelles. Hein? Et il croit dans les histoires à dormir debout, et que telle personne est sortie de chez lui, et il est parti 4 mois, et il a enfermé la maison, et il a laissé sa famille enfermée, et quand il est revenu, il les a trouvés dans la meilleure des situations. Et ils lui ont dit qu'une vieille venait les voir, s'il les a enfermés, comment ils rentrent chez eux? Il est venu les voir, et il leur ramenait des provisions, il faisait tout ce qui allait, leur donner du confort. Et Cheikh Najmi de nous dire, j'ai entendu ce genre d'histoire de certaines personnes de mes propres oreilles. Ils prétendent que ça, c'est une karama. C'est quelque chose de surnaturel que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne pour leur prouver que leurs œuvres, il est agréé min Allah azza wa jal. Hein? Enfin, comme tu l'as entendu dans cette histoire, il croit quoi? Ils ont mis de côté l'asbab. Il a rien laissé à la famille. Il les a enfermés. Et si une vieille, tu crois à ça, toi, frère en Allah, Azza wa Jal? ou si les rêves et les histoires à dormir debout. Quant à, au moment où le Stade de France venait à s'achever, et ils ont dit qu'un Amel Hassan a vu dans son rêve que ça, c'est là où il va y avoir la réunion pour Dajjal, et que le ministre de cette époque qui était Jospin, c'est lui l'Awar, c'est lui l'aveugle. Et c'était une histoire qui se propageait entre eux. Et il la disait que contre eux, entre ceux qui sont anciens. Et quand un nouveau arrive pour écouter, il change de discours. Parce qu'il y a des histoires, il n'y a que les anciens qui peuvent là les capter et qui peuvent les gober. Ils disent que ça, c'est un grand bienfait, une truc surnaturel avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a comblé une Amel Hassan, de savoir que le Stade de France va être le lieu de la réunion, de la grande réunion d'Yal Dajjal, et ainsi de suite. Allah al-Musta'an, Allah al-Musta'an. الملاحظة الرابعة والعشرون أن المؤسس لهذه الجماعة قد نصب نفسه مشرعا فشرع لأتباع هذه الأركان الستة أو الصفات الست وشرع لهم الخروج 3 أيام أو 10 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر إلى آخره، وهذا يعد تشريعا لأتباعه. وإذا وقف أتباعه على ما رسمه لهم ولم يتجاوزوه فقد جعلوه مشرعا لهم حيث مشوا على الخطة التي رسمها لهم مما سبق، ومن غيره كعدم التصريح بالكفر ومن غيره كعدم التصريح بالكفر بالطاغوت وعدم التصريح بإنكار المنكر إلى غير ذلك. La 24e critique qui met Cheikh Najmi contre ce groupe, et que le fondateur de ce groupe a s'est mis à pied d'égalité, il a pris la position du législateur. Et il a légiféré à ses disciples ses 6 sifat, ses 6 fondements. Il leur a légiféré le fait de sortir 3 jours. Il leur a légiféré le fait de sortir 10 jours, 40 jours, 4 mois et plus et autres. Et ça, c'est considéré comme légiféré. Il a légiféré pour ses disciples. Et si ses disciples le suivent aveuglément sur cette voie et qu'ils ne dépassent pas cette voie qu'il leur a tracée, c'est qu'ils ont fait de lui un législateur. Et s'ils marchent sur la voie qu'il aura tracée, c'est qu'ils ont fait de lui un législateur. Et comme il est passé avec nous, il n'est pas permis de déclarer qu'il ne faut pas me croire en tarot, ils le mettent en application. Et il n'est pas permis de blâmer le mal clairement, et ils le font. Ils ne blâment pas le mal, ils font tout ce qu'il leur a décrit, ils le font. Et quand toi tu viens, tu leur dis, mais ces 3 jours où là il faut apprendre le monothéisme ici. Non, non, ceci ne fait pas partie des fondements qu'a fondé le Mashaïr. Et le Mashaïr savent mieux que nous. Ainsi ils te répondent. ملاحظة الخامسة والعشرون ما ذكره الشيخ حمود توجري نقلا عن الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد في كتابه نظرة عابرة اعتبارية عن الجماعة التبليغية أن لهم شبه بالشيعة في عدة أمور فقال La 25e critique, c'est ce qu'a écrit Cheikh Hamoud Tlouijri, en le prenant directement de Saif al-Rahman, qui est un hindou, dans son livre, Un regard à prendre en considération sur Jamaat Tabligh. Et il a dit dans ce livre qu'ils ont des ressemblances avec Shia sur beaucoup de points. Et il cite ces points. وقد ذكر سيف الرحمن في كتابه أنواعا كثيرة من مشابهة التبليغيين للشيعة. ويقول الشيخ النجمي ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا ملخص ما ذكره. قال ومما يلاحظ أن لهم الشبه بالشيعة في إخفاء السم بالدسم، ولهم الشبه بالشيعة في إخفاء ما في كتبهم، ولهم الشبه بالشيعة في إخفاء كثير من عقائدهم المبعدة في الغلو والضلال والتطرفات النائية. Il dit que Saif al-Rahman, et tout ceci, Cheikh Najmi nous le rapporte directement du livre d'El Cheikh Twijri, le Qawl Balir fi Tahrir, la parole claire dans l'avertissement de Jamaat Tabligh. Il dit, Cheikh al-Rahman a dit dans son livre, certains points dans lesquels Tablighines ont des points en commun avec Shia. Et il dit, celui qui ressemble à un peuple, il est comme eux. Ou il fait partie d'eux, comme il a dit le prophète alayhi salatu wasalam. Il dit, voici le résumé de ce qu'il a cité. On remarque qu'ils ont des points en commun avec Shia dans le fait de mettre le poison dans la graisse. C'est-à-dire, ils cachent le poison dans les bonnes choses. comme les emblèmes qu'ils disent. Notre réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà, c'est dans le fait de suivre le prophète alayhi salatu wasalam. Mais ça, c'est une belle chose derrière laquelle se cache le mal. Et ils ont une ressemblance avec Shia dans le fait de cacher ce qu'il y a dans leurs livres. Ils ont une ressemblance avec Shia dans le fait de cacher leurs croyances qui sont extrêmes et qui sont des croyances de l'égarement. Et qui sont loin des croyances des puissants d'Allah alayhim. ولهم شبه بالشيعة في التقية باسم الحكمة والاحتياط حيث يظهرون شيئا ويخفون شيئا ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون شيئا ويفعلون شيئا. Ils disent qu'ils ont une ressemblance avec Shia dans l'utilisation de l'taqiyah, du mensonge, au nom de la sagesse, au nom du fait de prendre des précautions. Et ils montrent des choses et ils cachent d'autres. Et ils dépouillent le sens de la parole. Et ils donnent d'autres sens aux mots. Et ils disent une chose et ils font une autre. ولهم كذلك شبه بالشيعة في كثير من التأويلات النائية عن طريق السلف الصالح ولهم شبه بالشيعة في بعدهم عن النصوص وعن العلم بالنصوص. Ils ont une ressemblance et un point en commun avec Shia dans le fait de changer le sens des textes et de ramener des significations qui sont loin de la des significations de la voix de nos puissants d'Allah alim. Ils ont un point en commun avec Shia dans le fait qu'ils sont loin des textes, ils sont loin de la science. Ils ne connaissent pas les textes. ولهم شبههم بالشيعة في تحديد علمهم وعلم طائفتهم في كتبهم المعروفة عندهم دون غيرها من الكتب ودون غيرهم من علماء المسلمين. Ils ont une ressemblance avec Shia dans le fait qu'ils limitent leur science et la science de leur groupe dans quelques livres qu'ils sont connus d'eux seulement. Ils prennent pas les autres livres, ils prennent pas des autres hommes de science de la communauté musulmane, mais ils s'orientent vers leurs savants et vers les livres qui ont été choisis par leurs mashayikh, Riyad Salihin, Hayat Sahaba, Nisab Tabligh. Certains, quand ils sont grands, ils leur autorisent de lire dans Ihya Ulumuddin, parce que dans le fait de lire dans Ihya Ulumuddin, ils tombent sur leur tête. ولهم شبههم بالشيعة في منع أتباعهم عن البحث وطلب الحق من عند غيرهم. Ils ont un point en commun avec Shia, c'est qu'ils interdisent à leurs disciples d'aller chercher la vérité chez quelqu'un d'autre qui ne fait pas partie de leur groupe. Pour ça, quand il s'agit d'une fatwa ou etc., ils orientent vers qui? Abu Bakr al-Jazairi. Abu Bakr al-Jazairi. Ou quelqu'un ici en France qui n'a pas de haine et qui aime leur travail et qui les aime et qui a de la sympathie pour eux. ولهم شبه بالشيعة في جعل معظم الدين محصورا في المناقب والمثالب وتعظيم الأكابر. Ils ont un point en commun avec Shia, c'est que ils ont fait que la religion est arrêtée dans les vertus, les catastrophes, et qu'ils vénèrent leurs grands, comme Shia vénère leurs imams. ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على المغالطات والمبالغات. Ils ont un point en commun avec Shia parce qu'ils ont la capacité d'induire en erreur et d'exagérer et d'aller aux extrêmes. ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على النفاق وإظهار التوحيد وإخفاء الإشراك بل النداء بالتوحيد وترويج الإشراك. Ils ont une ressemblance avec Shia parce qu'ils ont la capacité de faire apparaître ils ont la capacité de l'hypocrisie et ils font apparaître le monothéisme et ils cachent l'associationnisme et ils appellent vers le monothéisme soi-disant, mais ils propagent l'associationnisme. Et si tu ne le sais pas, frère en Allah, Azzawajal, va faire un tour en Inde, tu vas voir, et au Pakistan. Va voir ce qu'ils font dans certains pays, dans lesquels il y a l'adoration des tombes et autres, comment ils agissent. Et comment ils laissent les gens baigner dans cet associationnisme du moment qu'ils sortent avec eux. ثم ذكر في نفس الصفحة أوجه الشبه بينهم وبين القديانيين أيضا نقلا عن كتاب سيف الرحمن أحمد سيف الرحمن أحمد نظرة عابرة اعتبارية في الجماعة التبليغية، فمن شاء الازدياد فليرجع إلى ذينك الكتابين أو أحدهما، والله الموفق لمن يشاء من عباده وهو الهادي إلى صراط المستقيم. إلى سيتي وسي على ميم باج لي بوان دو غوسومبلونس انتخ القاديانية التبليغيين. Ceci est rapporté du livre de Saif al-Rahman Ahmed, hein, un regard à prendre en considération sur Jama'at Tabligh. Et celui qui veut encore en savoir plus, qu'il revient vers ses livres, à savoir, hein, le Qawl al-Baligh de Cheikh Twijri et le livre d'Yel Saif al-Rahman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous confirme sur la voie de nos puiseurs, d'Allah alayhim, et à lundi, inshallah, pour le quatrième cours, inshallah, sur les buts de Sourate al-Baqara, inshallah. Subhanakallahumma bihamdika, shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli allahumma wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum wa jazakumullahu khairan.